Bienvenue à ce premier événement interactif mondial en direct. Nous innovons ce soir. Rien de la sorte n'a été tenté auparavant. Vous êtes maintenant tous en ligne avec moi des quatre coins de la planète. Des pays comme l'Albanie, la Bolivie, le Cambodge, l'Équateur, la Finlande, et le reste de l'Europe, avec bien sûr tous les 50 États-Unis d'Amérique. Plus de 139 pays sont représentés ici ce soir. Bienvenue à tous. C'est la chose la plus excitante que je n'ai jamais faite. Je suis très fier du fait que vous nous ayez tous rejoints dans cette communauté mondiale pour parler de ce que je crois être le plus important des sujets présentés par le plus important des livres de notre temps. Nouvelle Terre, s'éveiller au but de votre vie. Je ne crois pas qu'il n'y ait quelque chose de plus important que de s'éveiller et de connaître le dessein de notre vie. Et durant les 10 prochaines semaines, l'auteur et ma spirituelle Eckhart Tolle et moi serons dans notre salle de classe virtuelle ici à oprah.com, chaque lundi soir à 20h. Nous répondrons à vos questions, à vos emails, nous converserons sur chaque chapitre et prendrons vos appels et vos emails, et nous verrons certains d'entre vous grâce à vos webcams. Je suis sûr que vous avez déjà remarqué que vous pouvez taper vos questions sur le côté droit de votre écran et nous les envoyer instantanément. Nous avons ici toute une équipe prête à prendre vos appels et emails. Et bien sûr, je suis très honoré de vous présenter l'auteur de ce grand livre, Eckhart Tolle. Merci, c'est bon d'être ici. Comme c'est excitant, c'est très bien. La façon dont nous allons travailler est que nous allons avoir une conversation et prendre vos appels et vos questions quand nous sentons que c'est approprié. Je voudrais d'abord vous dire comment ce livre est venu à vous. J'ai été introduit à ce livre il y a plusieurs mois, alors que j'interviewais Eckhart Tolle. Il y a plusieurs mois dans l'émission que je fais sur XM Radio. Peu de gens connaissent cette émission dans laquelle je parle à des gens qui représentent cette façon de penser, cette sorte de spiritualité. Donc, j'interviewais Eckhart Tolle à propos de son livre « Le pouvoir du moment présent ». C'est tout ce que je connaissais de lui à ce moment-là. Je vous appelle le père du moment présent. « Le pouvoir du moment présent » est un livre qui a été un livre qui a changé ma vie. Il m'a été offert il y a 8 ans par Meg Ryan, qui était aussi venue à l'émission. Et la productrice, Connie, est apparue alors que je me préparais et m'a dit « Il y a aussi cet autre livre qui s'appelle Nouvelle Terre. J'ai eu juste le temps de le feuilleter sans pouvoir approfondir car j'étais focalisé sur l'autre livre, Le pouvoir du moment présent. J'ai commencé vraiment à le lire après l'interview et j'ai commencé aussitôt à sentir ce changement dont vous parlez. Et j'ai commencé à sentir ce changement. Et ce qui m'est vraiment apparu à mesure que je lisais, en passant par des grands moments de révélation l'un après l'autre, c'est à quel point ce message est clair. Quelle clarté dans ce message dont vous semblez avoir été le canal. Je ne vous connaissais pas et je ne vous avais jamais rencontré à ce moment-là. Comment cela s'est-il donc produit? Comment cela est-il venu à vous? Eh bien, c'est venu de l'espace de tranquillité, et c'est de là que naît tout processus créatif. Donc, c'est aller en contact avec la tranquillité à l'intérieur. Et quand le temps est venu, Parfois, de cette tranquillité, une impulsion vient, quelque chose, un feeling, une sensation profonde que quelque chose veut mettre dans ce monde. J'ai eu le même sentiment fort avant d'écrire Le pouvoir du moment présent. C'était il y a 13 ans. Je vivais en Angleterre et j'ai eu une impulsion forte un matin. J'ai su qu'il fallait que j'aille sur la côte ouest des États-Unis, sans savoir pourquoi. C'était juste un feeling que vous aviez. Juste un sentiment, une forte conviction. Donc ce n'était pas à travers un processus de prise de décision, juste une réalisation. Je devais y aller. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais aucun doute. Donc j'étais à Vancouver et ensuite en Californie, ne connaissant qu'une ou deux personnes, et tout en me demandant « mais qu'est-ce que je fais là ?» Au bout de 3 semaines, quelqu'un m'a trouvé une chambre près de San Francisco et soudainement, c'est venu. J'ai acheté un carnet de notes et un flot puissant m'a traversé et j'ai écrit « L'illumination, c'est quoi ?» Le début du pouvoir du moment présent. À partir de ce moment-là, j'ai su que c'était le livre qui voulait naître. Donc plutôt que moi voulant écrire un livre, il s'agit d'un livre qui a voulu être écrit. Comme Michel-Ange, quand il dit que l'ange est dans le marbre et que sculpter, pour lui, c'est juste retirer le marbre qui est en trop. Oui, et donc j'ai compris que l'approche pour trouver quel est le but, quel est mon but, c'est de voir quel est le plus grand but. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le plus grand but attend de moi? Plutôt, qu'est-ce que je veux de la vie? C'était le point de départ. Je sais que parfois, dans le New Age, vous avez la question « mais qu'est-ce que tu veux ?» Il est bien de se poser cette question, mais une question encore plus puissante est « qu'est-ce que la vie attend de moi ? Comment je cadre dans cette totalité ? Quelle est ma place dans cette vie ?» Ça a été donc de découvrir ce que la vie attendait de moi. Le livre veut naître et la même chose s'est passée ensuite avec « Nouvelle Terre ». Un nouveau livre a voulu venir. Je ne savais pas pourquoi. Tout le monde me disait « Tu as déjà tout dit dans Le pouvoir du moment présent. Pourquoi en écrire un autre ?» Je n'avais intellectuellement pas de réponse. Pourquoi écris-je un autre livre ? Et c'est arrivé. Vous avez demandé à la vie, l'énergie universelle. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Je l'appelle Dieu. Quel mot vous avez pour ça ? La conscience. Vous demandiez à la conscience, qu'est-ce que tu attends de moi ? Oui. À une époque, pendant quelques années, je vivais en Angleterre et donnais un enseignement spirituel à une très petite échelle. J'ai lu dans le journal USA Today que vous aviez commencé avec une douzaine de personnes chez les gens à domicile. Oui. Pendant un moment, j'enseignais chez les gens dans leur salon, j'invitais des amis. Et c'était le début d'un enseignement spirituel informel. Et comme je disais récemment à un journaliste, une boucle est bouclée, car je suis de retour chez les gens, dans leur salon. Ils sont juste un peu plus nombreux. Oui, un peu plus. Je crois que nous avons un peu plus de 10 ou 12 personnes qui se sont jointes à nous ce soir. Et donc, comment ça s'est passé pour écrire? Vous vous leviez parfois en vous disant... Je vais écrire quelque chose aujourd'hui. Vous saviez quoi dire avant de l'écrire ? Non, je ne savais pas ce qui allait venir. Mais chaque jour, il y avait un espace pour l'écriture. Chaque matin, et jusqu'à 14 heures, un espace était réservé pour l'écriture. C'était l'espace d'écriture. Et parfois, il y avait des jours où le flot n'était pas très fort et seulement quelques lignes s'écrivaient et parfois aucune. Néanmoins, j'ai toujours honoré cet espace. J'étais prêt pour que l'écriture se produise. Je ne dis pas que cela se produise automatiquement. Mon esprit était impliqué. Ce n'est pas du channeling. J'étais inspiré. Donc cela impliquait le processus de la pensée également. Mais ce processus de la pensée devait être inspiré par quelque chose de plus profond. Vous ne pouvez vous fier seulement aux pensées pour produire quelque chose de puissant et d'original. Vous avez déjà partagé cela avec nous. Pour s'éveiller au but de notre vie, un des éléments clés est que nous ne devons pas essayer de dire à la vie quel est notre but et même pas essayer de nous définir. car beaucoup de gens le disent souvent, j'ai fait beaucoup de séminaires et je ne sais toujours pas quel est mon but. Vous dites donc qu'il faut demander à la vie quel but elle a pour nous. Oui, et la réponse peut ne pas venir immédiatement. Une chose très importante dans le fait de s'adresser à la vie, pour être prêt à recevoir la réponse, c'est de l'inviter dans votre vie en cultivant des moments de tranquillité, afin de ne pas être continuellement absorbé par l'incessant bruit mental que nous appelons les pensées, dont la plupart sont inutiles et répétitives. Donc, trouver des espaces de tranquillité est vital si vous désirez aller à l'endroit où les réponses se trouvent potentiellement. Donc, pendant plusieurs années, alors que je donnais un enseignement spirituel à une petite échelle, parfois je disais à la vie, « Ok, je pourrais faire bien plus, je suis prêt. » Mais la vie a attendu et attendu plusieurs années, jusqu'à un beau matin où elle a dit « Bouge, bouge. » Bah, à Vancouver, oui. Et je n'avais pas compris pourquoi je devais aller là-bas pour écrire. J'allais et venais de Vancouver, en Californie, et habitais chez des amis. Et c'est seulement plus tard que j'ai réalisé que j'avais besoin du champ d'énergie de la côte ouest pour que le livre puisse naître. Le champ d'énergie en Angleterre, malgré une profonde connexion intérieure avec ce pays, ne convenait pas, dans mon cas personnel, pour que ce livre puisse émerger. J'ai réalisé cela car j'ai dû une fois revenir en Angleterre, mais je ne pouvais pas continuer d'écrire. Le flot s'interrompait et je ne pouvais faire que quelques corrections, que les quelques corrections nécessaires. Et dès que je suis revenu sur la côte ouest, immédiatement le flot est revenu. J'ai compris à ce moment-là pourquoi je devais aller là-bas. Il est donc souvent question de faire confiance en la vie quand vient une forte impulsion. Mais parfois il se peut que vous deviez attendre. Ça ne veut pas dire que vous devez obéir à chaque impulsion, car les impulsions peuvent venir également de niveaux plus superficiels en vous. Mais vous étiez assez sage pour faire la différence, pour discerner. Oui. Bien, c'est très intéressant car au début de Nouvelle Terre, vous commencez par parler d'une fleur. Parce que je regarde les messages des gens chaque jour. Et j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils regardent les fleurs différemment maintenant. Et moi, c'est pareil. Et cela m'a marqué quand vous avez dit que les fleurs sont les représentants du royaume spirituel. Et que quand vous êtes tranquille, autorisez-vous à l'être avec une fleur, un cristal, un oiseau, quoi que ce soit dans la nature. Oui. Mais vous utilisez plus spécialement la fleur, car la fleur et la nature en général est un beau point d'accès vers la tranquillité intérieure. Si vous pouvez y être complètement présent. Mais la fleur est même, on parlait de messager d'un autre royaume. Oui, comme des messagers. Une fleur est beaucoup plus fragile qu'une plante. Elle est plus éphémère, plus éthérique, je crois que c'est le mot. Plus éthérique. Il y a moins de densité en elle que dans la plupart des autres choses. Et en raison de cette absence de densité, c'est presque comme si l'esprit pouvait s'écouler à travers elle plus librement. Donc, quand vous contemplez une fleur, sans avoir trop d'interférence avec l'esprit pensant, vous regardez en fait véritablement. C'est ce que Jésus disait, regardez les lys dans les champs. Oui. Quand il disait ça, il ne disait pas seulement « regarder les lys dans les champs », il disait « regarder ». Il disait « regarder », vous devez vraiment regarder, car il y a quelque chose en elle, quelque chose que vous avez aussi. Mais en raison de toute votre anxiété, en rapport avec demain et toutes vos pensées, je traduis maintenant très librement ce que Jésus disait. Pourquoi êtes-vous si préoccupé? Ces fleurs ne sont pas anxieuses, elles ne sont pas concernées par l'avenir, et regardez comme elles sont belles. comment Dieu les a revêtus d'une telle beauté, et vous pouvez vivre comme elles aussi. Il a donc utilisé ce royaume naturel des fleurs afin de mettre les gens en contact avec la dimension de profondeur à l'intérieur de l'homme. Ce qui est très intéressant pour moi avec tout ça, c'est que quand je l'ai lu pour la première fois, je pensais que c'était juste un joli passage. Et en le lisant une seconde fois, et en m'éveillant un peu plus, j'ai commencé à regarder à la nature différemment. Vous savez, je vis dans un bel espace entouré par les fleurs, pas à Chicago, mais en Californie, et j'ai toujours apprécié le jardin. Ne sont-elles pas belles avec toutes ces différentes couleurs, ces fleurs et ces roses et tout ça? Et ensuite, j'ai décidé d'aller dans le jardin sans mettre des noms, comme si j'étais un bébé. Comme un bébé qui découvre et apprend ce qu'est une fleur pour la première fois. Et j'allais sous les chênes que j'aime tant, comme si je ne les connaissais pas. C'est comme si c'était la première fois. J'ai toujours aimé les arbres. Et ce sentiment de pouvoir, de tranquillité qu'il représente. Mais en ne nommant pas ces choses de la nature, j'ai ressenti une présence magique. J'ai ressenti de la majesté, un pouvoir, une force et une connexion comme jamais auparavant. Oui. Parce que je n'ai pas donné de nom. Oui, c'est la clé. Oui, je n'ai pas donné de nom ou quelques références à ce qu'un arbre a signifié dans ma vie. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, être présent avec la perception. Et c'est peut-être le thème principal qui revient tout au long du livre. Cet état ou cette façon compulsive de nommer les choses. Oui, et commencer avec la nature, c'est plus facile pour laisser tomber l'étiquetage. Plus tard, nous parlerons de cela dans... Oui, arrêter d'étiqueter les gens et les situations. Oui, c'est plus difficile car les gens demandent l'étiquetage. Car il y a tellement d'esprits pensants en chacun. Ils vous étiquettent et vous les étiquetez. Mais avec la nature, c'est le point de départ pour trouver une relation différente avec la nature, avec la vie. Cela ne veut pas dire que vous devez oublier ce que vous avez appris à propos des arbres et des fleurs. Quand c'est nécessaire, vous pouvez revenir à cette connaissance et l'utiliser. Mais ne pas être totalement sous l'emprise des étiquetages mentaux que vous avez appris, de l'interprétation mentale, afin d'être capable de percevoir. On pourrait dire juste percevoir la fleur, la voir à partir juste d'un fond de tranquillité. Un arrière-plan de tranquillité, qui est vraiment fait de conscience. Bien, c'est vraiment étonnant pour tous ceux, et vous êtes nombreux à avoir essayé et en avoir parlé ou écrit. Quand vous commencez à vous promener dans un parc ou dans votre jardin, et vous avez raison, c'est plus facile avec la nature qu'avec les gens. Et le fait de se laisser aller dans l'espace sans mettre d'étiquette aux choses, tout se met à vibrer. Et comme à scintiller. Tout devient excitant. Oui. Juste une promenade dans le parc devient excitant et c'est pourtant le même chemin que vous avez toujours pris. Oui. Et avant, quand vous étiez impliqué dans votre esprit, peut-être ne l'aviez-vous même pas vu. Jamais vu. Et il y a tellement de gens, tellement pris dans ce bruit mental continu qui absorbe leur attention en permanence. Chaque pensée absorbe le flot des pensées, absorbe leur attention. Ils ne voient pas que le monde autour est extrêmement vivant. Et donc les gens vieillissent, le monde autour apparaît de plus en plus fade et sans vie. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui leur arrive également. Et pourquoi? C'est simplement parce que vous êtes mené par l'abstraction mentale. Tous les concepts et les pensées sont des abstractions, ce n'est pas vivant. Donc vous ne pouvez recevoir toute l'information disponible autour de vous, car vous êtes dans votre tête. Vous êtes dans votre tête, vous n'êtes pas présent. Donc vous êtes perdu dans les pensées. On pourrait dire que la condition humaine, c'est d'être perdu dans les pensées. C'est ce que l'on appelle la fameuse voix dans la tête, la voix dans la tête. Certaines personnes nous ont posé des questions par rapport à ça. Nous avons beaucoup parlé de cette voix dans la tête. Quelques-uns demandent quelle voix dans la tête. Ben, c'est de celle-là qu'il s'agit. Ok, donc Kelly Dalton, Illinois, nous a rejoint. Hello. Hello, Oprah. Quelle est votre question? Merci de me recevoir. Bien, où êtes-vous? Chez vous? Oui. Ok, c'est la chose la plus cool, n'est-ce pas cool? Oui, c'est fou. Oui, c'est ce que je pense. C'est fou de pouvoir se parler les uns les autres de cette façon. Ok, quelle est votre question? Ma question est en rapport avec la religion et la spiritualité. Une grosse question. J'ai reçu une éducation catholique, j'ai marié un catholique et nous éduquons nos enfants de cette façon. Le fait de lire des livres comme ceux d'Eckhart Tolle m'a ouvert les yeux sur une nouvelle façon de penser, une nouvelle forme de spiritualité qui ne s'aligne pas toujours avec l'enseignement du christianisme. Donc c'est une question pour vous, Oprah. Comment avez-vous pu concilier ces enseignements spirituels et vos croyances chrétiennes? Oh, c'est une question pour moi, j'ai pu les réconcilier car j'ai été capable d'ouvrir mon esprit par rapport à l'immensité indescriptible que nous appelons Dieu. J'ai sorti Dieu de la boîte. J'ai grandi dans l'église baptiste et vous savez, endoctriné par un système de croyances et de règles. Et un jour, j'avais plus de 20 ans, assis dans une de ces églises où vous avez intérêt à arriver avant 8 heures du matin pour avoir un siège. Et durant le sermon, un prêcheur très charismatique parlait de la grandeur de Dieu, de son omniscience, de son omnipotence, et du fait qu'il est tout. Et ensuite, il a dit que le Seigneur ton Dieu est jaloux. J'étais captivé par son discours jusqu'à ce moment-là. Ça m'a frappé. J'avais 27 ou 28 ans. Je pensais, Dieu est tout, Dieu est omniprésent. Et il est aussi jaloux. Il est jaloux de moi. Et dans mon esprit, quelque chose là-dedans ne me paraissait pas juste. Car je crois que Dieu est amour et que Dieu est dans tout. C'est alors qu'une recherche pour autre chose de plus qu'une doctrine est apparue en moi. Une des citations Descartes que je préfère dans le chapitre 1, l'homme fit Dieu à son image. L'éternel, l'infini et l'indescriptible fut réduit à une idole mentale en laquelle il fallait croire et qu'il fallait vénérer comme mon Dieu ou notre Dieu. Je crois que c'est exprimé de façon très éloquente dans le chapitre 1. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'étais assis dans cette église ce dimanche-là en écoutant le prêcheur. Et cela a été un sacré voyage pour en arriver à croire que Jésus est venu à nous pour nous montrer la conscience de Christ. Que Jésus est venu pour nous montrer le chemin du cœur et que ce que Jésus disait, c'était pour nous montrer le niveau de conscience supérieur dont nous parlons ici. Jésus est venu dire, regardez, je vais vivre dans ce corps, dans un corps humain, et vous montrer comment il est fait. Il y a des principes et des lois que vous pouvez utiliser pour connaître cette voie. Et quand j'ai commencé à reconnaître cela, je ne crois pas que Jésus est venu pour démarrer le christianisme. Donc, cela m'a bien aidé. Et comme je l'ai dit précédemment, juste avant l'émission, il y a un livre merveilleux, qui s'appelle « Découvrez le pouvoir en vous » d'Eric Butterworth, qui m'a aidé à réconcilier les deux. Cela peut être vraiment bien pour ceux comme vous qui sont chrétiens et qui essaient d'harmoniser les deux. Qu'en pensez-vous? Car une des choses qu'Eckhart dit au début est que le principal objectif de cet ouvrage n'est pas d'ajouter de nouvelles informations ou des croyances dans votre esprit, ni de vous convaincre de quoi que ce soit. Son objectif est d'amener un changement dans la conscience, en d'autres mots, d'éveiller. Et une des raisons pour lesquelles je l'apprécie tant, c'est qu'il n'est pas venu pour devenir un prochain gourou. Vous savez, il n'est pas intéressé par le fait de devenir votre gourou. N'est-ce pas? Oui, c'est juste. Comment répondriez-vous à cela? C'est une des questions les plus importantes et les plus fréquentes que nous recevons. Du même genre que celle de Kelly à propos de la spiritualité et de la religion. Il ne s'agit pas de dire aux gens comment croire. Que leur dites-vous à ces gens pour les réconcilier avec leurs croyances? Oui, la religion peut être une porte ouverte vers la spiritualité, et la religion peut également être une porte fermée. Elle peut vous empêcher d'approfondir. Ainsi, j'aime lire le Nouveau Testament et aussi l'Ancien Testament. On y trouve parfois des bijoux incroyables. Et alors que je passais par une transformation intérieure, je suis tombé un jour, par hasard, chez ma mère, sur une copie du Nouveau Testament. J'ai commencé à lire et j'ai immédiatement reconnu les vérités profondes qui s'y trouvent. Et j'ai réalisé que la vérité est plus profonde dans ce que Jésus disait que dans la façon dont l'Église l'interprète. Il y a une profondeur dedans qui reflète votre propre profondeur quand vous la lisez. Donc il n'y a aucun conflit entre cet enseignement qui est purement spirituel et une quelconque religion. Car si vous sondez assez profondément votre religion, vous vous retrouvez au même endroit. Il est question d'aller plus profondément, là où il n'y a plus de conflit. Ce qui est important, c'est que la religion ne devienne pas une idéologie. Sinon, elle devient une porte fermée. Alors que potentiellement, elle peut être également une porte ouverte. Laissez-moi partager ceci avec vous, Kelly. Il y a un autre livre écrit par Elizabeth Lesser qui s'appelle « Le guide du chercheur » où elle parle de la nouvelle spiritualité comparée à l'ancienne. Elle y explique que l'ancienne est en rapport avec le fait que la hiérarchie a une autorité. Les autorités de l'Église vous disent comment vous devez être dans l'Église et comment vous comporter en dehors de l'Église. La nouvelle spiritualité vous dit que vous êtes la meilleure autorité pour vous guider sur le chemin de la connaissance de soi et de l'amour afin de vivre une vie plus spirituelle. Dans l'ancienne approche, Dieu est le chemin et le chemin vers lui ont déjà été définis. Tout ce que vous devez faire, c'est de suivre les indications. La nouvelle vous invite à devenir capable d'écouter en vous vos propres définitions et de la spiritualité, vos désirs les plus profonds. L'ancienne dit ce qu'Eckhart disait, il y a seulement un chemin, c'est le bon, et les autres chemins sont mauvais. Et la spiritualité dit que beaucoup de voies amènent à la liberté spirituelle et à la paix. Vous avez un riche étalage de joyaux qui vous amène à l'illumination. Toutes les méthodes du monde, religieuses, traditionnelles, la mythologie, la psychologie, les méthodes de guérison, la sagesse scientifique, votre propre expérience, c'est tout ce que vous enfilez pour créer votre propre collier. Donc c'est vraiment une question en rapport avec ce que vous disiez précédemment. Ce matériel à votre disposition peut s'accorder à votre intériorité. Quelque chose s'ouvre en vous et désire se sentir vivant et s'éveiller à cela. Et néanmoins, il y a cette idéologie qui vous dit quoi? Quel est le conflit pour vous? C'est juste des pensées par rapport à l'après-vie, des choses comme ça. Dans beaucoup de livres, comme ceux de Tolle, on reçoit des enseignements du bouddhisme ou de l'hindouisme, et ça ne s'accorde pas toujours à ce qu'on vous enseigne en tant que chrétien. C'est la chose la plus difficile avec laquelle je dois travailler. Je suis une chrétienne qui croit qu'il y a certainement beaucoup plus qu'un chemin vers Dieu en dehors du christianisme. Okay. Je suis une chrétienne libre-penseuse qui croit en mon propre chemin mais qui ne pense pas que c'est la seule voie avec 6 milliards de personnes sur la planète. Un autre auteur également qui pourrait vous parler et qui utilise également la terminologie chrétienne mais qui approfondit vraiment en utilisant le langage chrétien et l'enseignement chrétien, Joel Goldsmith. N'importe quel livre de lui et vous allez voir à quel point l'enseignement peut être profond. Okay. Merci beaucoup. Merci Kelly, vous êtes notre première Skypeuse. J'en suis très honoré. Je ne savais pas que ce qu'était Skype jusqu'à aujourd'hui. Nous avons un autre groupe d'études à Chicago qui nous regarde également. Hello Border. Bonsoir tout le monde. Hello. Écoutez, je sais c'est mon ego, mais je ne peux m'empêcher de dire à quel point je trouve ça cool. J'ai entendu que c'était Ryan. Vous êtes Ryan? Oui, je suis Ryan. Vous avez une question? Bonjour, Monsieur Tolley. Oui, j'ai une question pour l'un ou l'autre de vous en rapport avec l'éveil spirituel dont vous parlez au chapitre 1. Il me semble que si vous regardez l'histoire humaine sur les 100 dernières années, et de façon très forte sur les 10 dernières années, il y a eu un accroissement de l'intensité et de la vitesse à laquelle les gens s'éveillent à la conscience du Christ. Pourquoi pensez-vous que cela se produise maintenant? Pourquoi maintenant? Cela se produit maintenant car nous atteignons un point de crise culminant. Beaucoup de choses essentielles ne se produisent pas tant qu'il n'y a pas un besoin absolu qu'elles se produisent. On peut dire que dans le passé, cet éveil était un luxe et seulement quelques individus, ici et là, à travers les âges, s'éveillaient. Et ils ont essayé d'enseigner aux autres, mais dans une large mesure, leurs enseignements ont été mal interprétés. Donc, on s'éveille maintenant. Jésus était un révolutionnaire qui a été très mal interprété. Oui. Oui, nous nous éveillons car l'humanité doit s'éveiller si elle veut arriver à un autre niveau d'évolution. Nous devons nous éveiller car la conscience de l'ego va devenir si destructive et elle l'est déjà tellement. Nous allons nous détruire ainsi que la planète si nous ne sortons pas de la conscience de l'ego collectif. Quand vous regardez l'histoire du XXe siècle, cela vous donne un goût de ce que cela va devenir s'il n'y a pas un changement majeur. J'ai écrit dans Le pouvoir du moment présent que 100 millions d'humains ont été tués durant le XXe siècle à cause de la guerre, entre autres. Et j'ai lu récemment dans un livre d'histoire d'un professeur d'histoire d'Harvard que mon chiffre était bien en dessous de la réalité. Ils sont 160 à 180 millions à avoir été assassinés durant les guerres, dans les camps de concentration, les prisons, les famines, en Chine, en Russie, etc. C'est d'une insanité incroyable quand vous regardez l'histoire. Et donc, s'il n'y a pas de changement majeur dans la conscience, nous allons aller à l'anéantissement très rapidement, car nous sommes déjà dans un processus de destruction planétaire. Et il y aura un conflit continu, collectif, et finalement l'humanité elle-même disparaîtra. Donc, vous pensez que nous sommes à un point culminant de la crise maintenant? Oui. Vous pensez cela également, Ryan? Je veux dire, apparemment, vous êtes rassemblés ce soir avec vos amis à Border, car vous êtes intéressés par cette façon de penser. Nous parlons tous d'une façon ou d'une autre de ce qui va mal. Tout le monde se plaint des médias et des films. Je veux dire, si vous regardez les Academy Awards cette année et les sortes de films qui sortent cette année, ce n'est qu'une réflexion de qui nous sommes. Et vous parlez dans votre livre de cette espèce étrange que nous sommes et qui regarde d'autres gens se faire mutiler et tuer et assassiner pour se distraire. Oui, oui, c'est étonnant. Et c'est le bruit et c'est l'esprit et tout ça. Et avec mes amis, on en parle et nous voudrions faire quelque chose et nous choisissons de ne pas regarder ces choses. Nous choisissons de ne pas s'entourer de ce type d'énergie. Mais je viens d'en prendre vraiment conscience, d'avoir une révélation, comme disait Eckhart, et je l'ai lu plusieurs fois dans le livre, le nombre de gens assassinés, mutilés, détruits durant le XXe siècle. Mais regardez également ce qu'on a fait au XXe siècle. Regardez à cette incroyable évolution technologique. Regardons-nous aujourd'hui, nous sommes là en train de skyper cette avancée dans notre capacité à créer d'autres bombes et donc à se tuer les uns les autres. Donc s'il n'y a pas un changement au XXIe siècle, si nous avons plus de 100 millions de gens tués au XXe siècle, Dieu seul le sait ce qui va nous arriver si nous ne faisons rien pour changer ça. Oui, car la technologie amplifie le dysfonctionnement de l'ego chez l'être humain. Avant, il y a 2000 ans, le dysfonctionnement était le même, mais nous ne nous faisions pas aussi mal, car la technologie n'était pas là. Le même dysfonctionnement continue d'opérer et est amplifié par la science et la technologie. Cela répond-il à votre question, Ryan? Oui, tout à fait. Et je vois ce que nous pourrions faire si nous focalisions cette même énergie sur le positif et pour aider les autres. Et je ressens que c'est vers ça que nous allons. Ce n'est pas seulement le positif. Une des choses que nous apprenons tous en lisant Nouvelle Terre, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'être positif. Il s'agit de mettre nos égos en échec. Car ce que nous allons découvrir durant les 10 prochaines semaines, c'est que la première chose à voir, c'est la voix dans notre tête. Et quelle est notre contribution? Car pendant des années, nous avons tous entendu que si nous ne sommes pas une partie du problème, nous sommes une partie de la solution. Je pense que la plupart d'entre nous ne comprenons pas. J'avais compris jusqu'à une certaine mesure, mais c'est devenu vraiment plus clair en lisant Nouvelle Terre, de comment nous contribuons au problème. Et la façon dont nous contribuons tous au problème, c'est Eckhart. Eh bien, nous avons besoin de regarder notre propre esprit. Donc, c'est la responsabilité de chacun de devenir conscient de son propre processus mental conditionné. Comment vous réagissez dans les situations quotidiennes? Quelles sortes de pensées traversent votre esprit? Il est bon de ne pas amplifier la négativité autour de vous dans le monde en y réagissant. Vous devez donc être très conscient de ce que fait votre esprit. Donc, observez votre propre esprit, soyez là en tant que le témoin de votre esprit, afin que la dimension de témoignage, qui est la conscience ou la présence, grandisse. Et il y a une dysfonction en place dans la structure même de votre processus de pensée. C'est de cette façon que l'ego émerge. Nous parlerons de cela de façon plus détaillée. Mais en reconnaissant cela en soi-même, vous pouvez ne plus contribuer au meurtre, etc., en dehors, dans le monde. C'est la responsabilité de chacun de reconnaître ce dysfonctionnement. Oui, vous recevez ça, Ryan. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a une conscience collective dont il parle, pages 11 et 12. Le dysfonctionnement de la conscience de l'ego, de l'esprit humain, a créé la situation du monde aujourd'hui. Il le dit dans Nouvelle Terre. Et ce que j'entends de ce que vous dites, Eckhart, c'est que nos peurs individuelles, nos doutes, nos colères, nos jalousies, nos ressentiments, tout cela contribue au collectif. Oui. Et afin de commencer à changer le collectif, chacun d'entre nous a la responsabilité de faire le changement, le rangement dans son propre esprit. Oui, car notre contribution collective se trouve à ce niveau. C'est la façon donc de gérer également la colère, la peur, la jalousie dans votre vie, c'est ce que vous dites. Oui. Qu'est-ce que vous produisez pour le monde? Il y a-t-il de la négativité mentale, émotionnelle en vous? Car cela contribue au champ d'énergie collective. C'est la chose principale à faire pour tout un chacun, de sortir de la conscience de l'ego. Oui. Vous recevez ça, Ryan? Oui, cela est très sensé. Oui, cela a beaucoup de sens. Merci. Merci, merci Border, merci. Nous avons maintenant Erika qui vit à Landstuhl en Allemagne. Oh, vous êtes en plein milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, oui. Hello. Bonjour, bonjour. Hi, bonjour. Merci beaucoup, c'est fou. Comme vous dites, follement amusant. Oui. Landstuhl, jamais entendu parler, mais content de vous avoir. Merci. Merci à Dieu pour Skype. Merci à Dieu pour Skype. Ok. Quelle est votre question ou commentaire? C'est une question pour Monsieur Tolley. J'ai été, comme Oprah et beaucoup d'autres, éduqué par l'Église baptiste. Vous parlez de la voix dans ma tête. Et je suis dans une situation où je n'arrive plus à suivre cette Église, car je trouve que le comportement n'est pas en phase avec l'enseignement. Mais le dimanche, alors que je suis avec ma famille à jouir d'une belle journée, après avoir décidé de ne pas aller à l'Église, cette voix dans ma tête me dit des trucs comme « Tu n'es pas allé à l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça que tu as été élevé. » Et quand ma mère appelle, que voulez-vous lui dire? Pouvez-vous m'aider en m'expliquant pourquoi nous avons cette voix dans la tête qui nous dit des choses comme ça? Oui, oui. Oui, il peut vous aider, Erika. La voix, bien sûr, est le processus de pensée conditionnée. Ce que la voix dit est conditionné par le passé, par votre enfance, votre éducation, la culture environnante. Toutes ces choses conditionnent votre processus de pensée. Et quand vous vous éveillez, quand vous commencez à vous éveiller, beaucoup de ces vieilles voix continuent d'émerger. Elles continuent de venir, et la chose essentielle, c'est de les reconnaître comme étant des pensées conditionnées, et de voir, car le fait que vous posiez cette question est le signe que vous êtes déjà consciente que ce sont les voix dans la tête, et que donc vous n'y êtes pas totalement identifié, car si vous étiez identifié totalement, vous diriez « je me sens vraiment mal, je ferais mieux de faire cela ». Mais vous réalisez que c'est la voix dans votre tête qui le fait. Et alors, vous ne pouvez pas l'autoriser et dire « Ok, il y a une vieille pensée ici. » Et l'autoriser à être là et être la conscience derrière cette pensée. Et c'est pareil pour tout un chacun. Il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont ce mouvement de la pensée, qui leur dit ceci ou cela, interprétant les événements ou les gens selon l'ancien conditionnement. Et vous rencontrez les gens qui vous disent qu'ils jugent immédiatement quelqu'un selon leur propre conditionnement, avec tous leurs préjugés. Et la seule façon d'aller graduellement hors du processus de pensée conditionnée, c'est simplement d'être là en tant que le témoin. Vous n'avez pas besoin d'agir sur ça ou de dire « va-t'en, je ne veux pas penser cela, ça ne marche pas, c'est juste ». Cela lui donnerait au contraire plus d'énergie. Donc, encore une fois, et c'est l'idée principale de ce livre et de cet enseignement, ce qui est vital, c'est autant que possible être conscient de ce que votre esprit est en train de dire et de réaliser que cela n'est qu'une petite partie de la conscience que vous êtes. Beaucoup de gens ne le savent pas encore. Ils sont totalement un avec la voix. Ils sont la voix. Ils sont si identifiés avec chaque pensée qui vient qu'il n'y a pas d'espace entre eux et la pensée. La chose essentielle est donc de réaliser qu'il y a un processus de pensée et je suis ici en tant qu'espace pour la pensée. C'est la conscience ou l'espace pour la pensée. Et que la pensée est juste une partie d'eux. Une petite partie, c'est la partie conditionnée de qui vous êtes, plutôt limitée par le temps, conditionnée par le passé. Il y a une partie plus essentielle que vous êtes. Et cela est la conscience, qui sait qu'il y a la conscience de la pensée, oui, que nous allons approfondir ensuite plus en détail. Mais laissez-moi partager cela avec vous, Erika, par rapport à cet aspect dont nous parlions, avec vous et notre premier appel de l'Illinois, et le fait de réconcilier les deux approches. La raison pour laquelle la voix continue de répéter la même chose, c'est bien sûr ce que disait Eckhart, le mental conditionné. Mais la culpabilité vient aussi du fait que vous n'avez pas encore pris la décision pour vous-même à propos de ce qui est réel ou vrai pour vous. Vous êtes encore influencé par le mental conditionné, car vous n'avez pas encore pris de décision. Et pour moi, c'est venu quand j'ai été capable de faire exactement ce qu'Eckhart disait plus tôt. Je n'avais pas utilisé les mêmes mots, j'ai demandé à Dieu de m'utiliser. Cela a été ma prière pendant des années. Eckhart dit de demander à la vie quel est son projet pour vous, mais j'ai prié Dieu à genoux en lui demandant d'être utilisé et d'être sa servante pour permettre à son esprit de travailler à travers moi, afin de ne pas juste travailler à la télévision pour moi-même et collectionner des paires de chaussures mais pour utiliser la télévision pour un but plus élevé que celui-là. Je ne veux pas dire que je voulais abandonner les chaussures, mais je l'aurais fait si j'avais dû. Donc quand j'ai commencé à demander à Dieu comment je peux être utilisé, Dieu, que veux-tu que je vive ? J'ai laissé aller la culpabilité par rapport au fait d'aller ou non à l'église, car la majesté, le pouvoir et l'omniscience de cette force que nous nommons Dieu ne peut être contenu juste dans une église. Vous avez raison. Il ne peut être contenu dans une église, mais si l'église vous permet de vous sentir à son service, alors prenez cette voie. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir ce que dit Eckhart dans son livre, que l'homme a fait Dieu à son image. Je ne crois pas que cette force éternelle, infinie, indescriptible que nous appelons Dieu, qui est toute conscience, énergie universelle, désire être servi le dimanche matin à 11h. Et c'est ce que vous essayez de réconcilier avec vous-même. La voix dans votre tête est ce que vous devriez vraiment faire. C'est ça, oui. Merci, c'est ça. Vous devez prendre cette décision pour vous-même. Merci. Et commencer à poser cette question à Dieu. Ok, oui. Je vais faire ça. Merci. Merci, Erika de Landstuhl en Allemagne. Nous avons maintenant Adam de Redmond, Washington, au téléphone avec une question. Allô, hello, hello. Nous avons maintenant Adam de Redmond, Washington, au téléphone avec une question. Allô, hello, hello. Bonsoir, Adam. Hello, merci beaucoup à vous deux. Je me sens un peu comme Larry King. Est-ce que l'appel est là? Ok. Allez-y. Oui, bien. J'utilise votre groupe en ligne pour créer quelques petits groupes ici que j'ai appelé Embrasser le silence. Une sorte de projet pour se retrouver ensemble pour méditer, étudier et discuter et créer un champ de présence à partager. Et je suis curieux de savoir quel rôle pensez-vous que la communauté ou le fait de se réunir ensemble avec l'intention de partager cette conscience joue dans l'épanouissement de la conscience humaine? Très bonne question. Oui, c'est très important. Et bien sûr, ce qui se passe ici ce soir à une échelle encore jamais expérimentée, c'est l'émergence de la présence. Et vous pouvez y accéder plus facilement dans un groupe plus important. Donc, un groupe de gens chez vous qui pratiquent le fait d'être présent, soit en écoutant ou participant à une discussion spirituelle ou en lisant, en étant dans la présence, est extrêmement utile car un champ d'énergie est généré quand les gens se rassemblent pour être dans la présence ensemble. Et c'est ce qui se passe ici aussi. Bien que nous ne sommes pas physiquement ensemble, il y a un champ d'énergie et de présence qui est généré maintenant sur toute la planète. Un niveau de conscience différent est généré. Donc c'est très utile de se réunir. Il est nécessaire de préciser que c'est important de ne pas être dépendant d'aucun groupe. Cela reste votre responsabilité d'amener cette conscience dans la vie quotidienne, là où vous allez, dans votre business et dans votre famille. Une fois que vous êtes dépendant d'un groupe, alors vous avez toujours le besoin de revenir avec ce groupe et vous ne pouvez vivre la présence dans votre vie quotidienne. Donc c'est important de se rejoindre, de rejoindre un groupe pour générer plus de présence et ensuite votre responsabilité c'est de la vivre dans votre vie de tous les jours où la plupart du temps vous n'êtes pas entouré de gens présents, vous êtes entouré par la vieille conscience de l'ego. C'est maintenant là que se trouve le challenge pour chacun qui se trouve dans le processus. Oui, il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'éveiller, mais il en reste néanmoins un grand nombre sur la planète qui n'ont pas commencé. Oui, mais j'allais dire, quand Ryan de Border nous parlait tout à l'heure à propos de la nécessité d'être plus positif quand il y a toute cette énergie dans le monde. Regardez, nous sommes environ 700 000 personnes rassemblées ici ce soir, ce qui est une force positive immense, oui, pour créer le changement, oui. Et c'est une sorte différente de communauté, oui, comme nous ne l'avons jamais expérimenté auparavant. Et c'est vrai, et bien sûr, une sorte différente de communauté générée à travers Internet et toutes ces choses que je ne connais pas trop. Mais c'est ce qui se passe maintenant. Tous ces gens qui communiquent les uns avec les autres et les gens sont connectés de différentes façons les uns avec les autres. C'est la venue d'une nouvelle conscience dont il parle, Adam. Oui, certainement. Et vous savez, c'est très agréable de passer du temps avec les autres pour partager cette conscience, comme vous disiez. Quand vous êtes sous l'arbre et que vous sentiez cette unité et cette majesté, imaginez si vous avez quelqu'un à vos côtés pour partager cette expérience avec vous. Je pense que ça rend l'expérience encore plus sacrée. J'avais mes deux chiens, Luc et Leila, avec moi. Oui, merveilleux. Merci, Adam. Merci. Merci, c'était Adam de Redmond, Washington. Voyons maintenant quelques questions que vous nous envoyez par email également. Rien sur l'écran de l'ordinateur. Ok. J'ai donc. Non, rien. Ok. Je vais donc continuer de parler. Une des choses qui nous ont vraiment frappé, c'est le nombre de gens qui ont répondu à ce que vous dites, page 13, on ne devient pas bon en essayant d'être bon. Oui. Oui, continue. Ok. Il y a plus dans cette phrase. Oui, voyons, page 13. On ne devient pas bon en essayant d'être bon, mais en trouvant la bonté qui est déjà en soi et en lui permettant de s'exprimer. Mais celle-ci ne peut émerger que si des changements fondamentaux se produisent dans la conscience. Oui, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Si rien ne change dans votre état de conscience, l'ego a beaucoup d'idées. Il dit, je veux être une personne spirituelle, je veux être reconnu en tant que personne spirituelle, je veux être plus spirituel que tous ces gens. Et je suis sans aucun doute plus spirituel que vous. Donc l'ego a toutes sortes d'idées sur ce qu'il veut être. Il peut même dire, oui, je veux être bon, car il veut avoir une meilleure image de lui-même. Mais à ce niveau, le dysfonctionnement essentiel de l'ego est toujours en train d'opérer. C'est pour ça que nous avons cette phrase, le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Car peu importe à quel point vos intentions sont bonnes, si vous êtes encore sous l'emprise de l'ego, il vous amènera finalement au conflit. C'est pour ça que je disais à Ryan, vous ne pouvez pas juste penser de façon positive. Non, à cause de cela, ce n'est pas suffisant. Vous n'allez plus pouvoir. Oui, je veux dire, vous pouvez penser positivement, mais ce n'est pas suffisant car finalement, quelque chose de négatif va venir à un moment pour détruire le positif. Donc, vous devez aller plus profondément, au-delà du royaume des opposés, afin d'atteindre en vous un endroit qui est non conditionné. C'est ce que j'appelle parfois la conscience sans forme. Cela est exprimé parfaitement dans l'Ancien Testament, dans ce petit dicton, sois immobile et vois que je suis Dieu. C'est dans l'Ancien Testament et dans ces quelques mots est contenue toute la sagesse de la religion. Sois immobile dans le silence signifie va à cet endroit où l'esprit n'est plus en train d'opérer. Vous êtes simplement conscient, sans penser. Et c'est à ce niveau que se trouve l'éternel. Donc, l'éternel, le sans forme, est l'essence de chaque être humain. Peu importe à quel point il semble aliéné ou libre de conflits à la surface, en chacun se trouve cela qui est intouchable. Il n'y a rien que quelqu'un vous ait fait ou que vous ayez fait à quelqu'un qui peut le détruire. C'est toujours là. C'est toujours là et c'est la grâce que nous avons d'être ici. Et peu importe à quel point il y a eu de la folie dans votre vie, cela reste intouché. Donc, c'est aller en contact avec cet endroit le plus profond en vous, et vous ne pouvez y accéder qu'en devenant immobile, absolument tranquille. Maintenant, devenir immobile, ça ne veut pas dire que vous devez aller dormir. Cela veut dire que vous êtes, en fait, plus alerte encore que quand vous pensez. Vous devez inviter l'immobilité, la tranquillité dans votre vie autant que c'est possible. C'est pourquoi j'adore votre livre « Quiétude ». Il est seulement petit, mais chaque page est un bijou. Et c'est aussi ce que je disais tout à l'heure. Afin de sentir ce dont nous parlons, nous pouvons observer la nature. Si vous deviez aller dehors et juste être avec un arbre, je ne veux pas dire enlacer un arbre, nous ne parlons pas ici de comment enlacer un arbre et manger de la granola, mais si vous deviez être juste avec quoi que ce soit dans la nature, j'aime les arbres car ils sont si majestueux, ils sont si puissants et visuels. Et si vous êtes avec lui pour un moment, vous commencez à sentir sa présence, son immobilité et sa tranquillité que vous commencez à ressentir en vous-même. Oui, ce que vous ressentez dans l'arbre est aussi en vous, et c'est toujours dans l'arbre. Oui. Et même quand le vent souffle et qu'il y a un orage. Oui. Oui, et c'est également quelque chose de sacré qui se trouve dans l'arbre. Et maintenant, notre monde n'est pas très au courant que c'est sacré. C'est devenu un concept abstrait, personne ne semble savoir ce qu'est le sacré, jusqu'au moment où vous le sentez. Quand vous le sentez, vous n'avez pas besoin d'une définition. Les gens demandent, s'il vous plaît, donnez la définition du sacré. Vous n'avez pas besoin de la définition du sacré, car le sacré est votre essence. Donc, c'est en ressentant cela, et vous le ressentez quand vous êtes suffisamment apaisé, vous le ressentez dans l'arbre. N'est-ce pas intéressant de voir que vous avez commencé à reconnaître cela alors que vous étiez sur le point de vous suicider? Oui, parfois vous devez atteindre une limite. Les humains doivent atteindre une limite. Et l'espèce humaine, dans sa totalité, est en train d'atteindre cette limite. Et parfois, à un niveau personnel, les gens doivent être poussés dans leurs limites. Mon ego était si obstiné et mon corps de souffrance si fort que j'ai été poussé dans cette limite afin qu'il craque. Bien, avant d'aller plus loin, partagez ce moment dont vous parlez, au début dans le pouvoir du moment présent, où vous alliez vous suicider. Oui, vous ressentiez tellement de souffrance, une souffrance terrifiante dans la nuit. Je me réveillais souvent avec un sentiment extrême de terreur et de peur, consumé par la terreur et la peur. Le monde entier semblait étranger. J'ai vu la pensée une nuit, je me réveillais une fois encore et la pensée est venue. Je ne peux vivre avec moi-même plus longtemps. Je ne peux simplement plus vivre avec moi plus longtemps. C'est trop douloureux. Et cette pensée se répétait plusieurs fois. Et soudainement, quelque chose s'est passé en moi. Et j'ai observé la pensée et j'ai dit, je ne peux pas vivre avec moi-même. C'est étrange. Ça veut dire qu'il doit y avoir un moi-même. Suis-je un ou deux? Je semble être deux, car si je ne peux vivre avec moi-même, ça veut dire qu'on doit être deux. Bien, et tout le monde a déjà ressenti, pas forcément cela pour se tuer, mais tout le monde a déjà ressenti et s'est entendu parler à soi-même, je me suis dit, oui, je me suis dit, oui, et tout le monde est ce qu'on appelle la voix dans la tête, on pourrait l'appeler self-talk, autosuggestion. Quand vous vous parlez à vous-même, et la plupart des gens s'adressent à eux-mêmes en tant que tu, toi, la voix dit tu n'aurais pas dû faire ça ou tu devrais. Donc il y a une séparation constante à l'intérieur des êtres humains, qui est l'essence de l'ego. Il y a une image de qui je pensais être il y a un mois, et les deux se mélangent ensemble. Ok, je suis désolé de vous avoir interrompu. Cette pensée, néanmoins, vous étiez sur le point de vous tuer, et cette pensée disait... Je ne peux plus continuer à vivre avec moi-même. Elle disait ça plusieurs fois dans votre esprit. Et ensuite, je suis devenu conscient de la structure de la phrase. Et je me suis dit, si c'est le cas, donc, qui est le soi avec lequel je ne peux plus vivre? Et qui suis-je? Et ce moment de séparation s'est produit entre le je essentiel, qui est la conscience essentielle que je suis, au-delà du passé et du futur, l'immobilité éternelle, l'immobilité et le silence, mais un silence conscient. Et tout mon processus de pensée, qui était l'ego, devait être ce qui avait créé la souffrance terrorisante. L'entité créée par l'esprit, le moi malheureux, était continuellement nourri par mes pensées. il est constitué de pensées, d'un flot de pensées. Et donc, vous avez juste décidé cette nuit-là, j'imagine, je vais attendre de voir si je me supprime. Non, c'était une sorte de suicide spirituel. Et l'ego est mort, avant que je saute d'un pont. Heureusement, c'est l'ego qui est mort. L'ego s'est dissous, tout comme l'esprit non observé. Tout le petit soi, l'histoire malheureuse, ok, j'ai compris. Mais en moi, moi en tant que le malheureux, mon identité en tant que moi et mon histoire malheureuse, mort, dissous. Car le jeu en arrière-plan s'est soudainement réveillé et a dit « Qui est ce soi avec lequel je n'ai plus envie de vivre ?» Et quand vous regardez totalement ce soi, il se dissout, en fait, car il ne peut survivre à la lumière d'une Et le jour suivant, je me suis réveillé et je ne savais plus quel jour on était. C'était étrange. Mais Eckhart, buviez-vous ? Non, je ne buvais pas, ni ne me droguais. Vous n'avez pas bu quelques gorgées, quelque chose ? Rien. C'est juste arrivé et je me suis senti comme happé dans une sorte de vortex, de tourbillon. Et ensuite, je me suis endormi. Et la dernière chose que j'ai sentie, c'est qu'il y avait encore quelques peurs. La voix disait « Ne résiste pas, ne résiste rien ». Et j'ai dû m'endormir ensuite. Vous avez eu votre première bonne nuit après Dieu sait combien de temps. Oui, et le matin suivant, je me suis réveillé et j'ai regardé tout autour et tout semblait si frais. Tous les vieux meubles, le stylo, tout semblait frais et vivant. Et j'ai entendu le chant d'un oiseau au dehors comme si c'était la première fois. Car l'esprit était devenu silencieux, immobile. Et il y avait juste la belle perception de toute chose, la lumière du soleil traversant les rideaux. Incroyable, je n'avais jamais vu ça auparavant. Ça ressemble à un voyage sous drogue. Plus tard, des gens me demandaient si c'était comme un acide, car certaines personnes qui ont pris du LSD disent qu'ils ont ressenti ça en prenant un acide. On me l'a dit plusieurs fois, jusqu'à finalement, je vous fais une confidence, finalement j'ai essayé un acide juste une fois. Vous me faites une confidence ici ? Oui, ok. Bien. J'ai essayé juste une fois pour voir. Et si c'était la même chose ? Oui. Et ce n'est pas exactement la même chose, car ce que j'avais expérimenté était bien plus subtil et beau. L'acide que j'ai expérimenté avait quelque chose de presque violent, qui violente les perceptions. Les perceptions sensorielles sont si amplifiées qu'il n'y a plus de place pour les pensées. Mais j'ai pu voir pourquoi les gens en parlaient. Pour certaines personnes, c'est un aperçu de ce qu'est le monde sans l'interférence continue du bruit mental. Votre voyage sans acide était meilleur, bien meilleur. Oui, bien. Ce que vous décriviez ressemble en partie à ce dont je me suis approché en décidant d'aller dehors sans nommer ni étiqueter les choses, comme je le décrivais tout à l'heure, un marché dans le parc. Vous savez, ma raison qui est comme un parc, tout était comme vibrant, les couleurs et tout le reste. Les perceptions étaient très différentes, car je n'étais pas dans mon esprit à penser à ce que je voyais. C'était comme si j'étais juste là pour être expérimenté. Oui, c'est comme ça que vous allez dans cet endroit. C'est ça, quand vous n'êtes plus là alors que vous vous promenez dans votre jardin ou ailleurs. Vous ne donnez plus un nom à chaque fleur, vous n'étiquetez plus et également vous ne portez pas ce lourd fardeau d'un moi, d'une personnalité, d'une personne avec ses problèmes, avec son passé, son futur. Vous ne pensez plus, non. Et donc principalement vous devenez une présence consciente percevant la beauté autour de vous. Oui, c'est fascinant. Maintenant, nous avons un email de Cathy de Delta, Colorado. C'est un email, comment puis-je me défaire d'années, de décades de conditionnement et de distractions, de maladies, de relations, de travail, afin de ressentir cette immobilité, ce silence. C'est ce dont nous venons juste de parler. Oui, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'années et d'années pour défaire des années et des années de conditionnement, car en un instant, seulement maintenant, le point d'accès est le moment présent. Le moment présent est le point de pouvoir par lequel entrer dans cet état de conscience. Donc nous devons apprendre à trouver dans notre vie quotidienne, aussi souvent que possible, ce point de pouvoir du moment présent. Car sinon, Nous nous faisons continuellement entraîner par les vieux conditionnements de l'esprit, tout le vieux processus de pensée, toutes les vieilles réactions, etc. Donc, il y a beaucoup de petites choses que vous pouvez faire pour accéder au pouvoir du moment présent. Par exemple, une très petite chose, demandez-vous, suis-je encore en train de respirer ? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de voir si vous êtes encore en train de respirer ? Votre attention a besoin d'aller de la pensée à cet endroit. Et soudainement, vous ressentez l'air entrer dans le corps et ressortir. Oui, je respire. Et à ce moment, vous êtes entré dans la présence. Même si ce n'est que 5 secondes, vous y êtes entré. Vous êtes devenu présent dans le moment. Dans le moment, une autre chose que je suggère quand vous faites des gestes habituels quotidiens comme se laver les mains ou en train de traverser la pièce ou descendre les escaliers ou la chose la plus insignifiante qui soit, prendre une tasse, faites-le consciemment. Soyez présent à chaque sensation. Par exemple, quand vous lavez les mains, ressentez l'eau, sentez le savon. Nous avons cela dans un de nos exercices en ligne sur le site. Oui, ressentez la perception. Devenir conscient le plus possible de nos perceptions sensorielles, telles que regarder, entendre, toucher, vous amène au moment présent. Comment cela peut-il m'aider? Car j'ai commencé à faire ça en montant l'escalier. Je mettais un pied sur une marche, puis ensuite un autre pied, ok, sur une autre marche. Maintenant, je suis en haut de l'escalier. J'ai été présent en montant l'escalier. Qu'est-ce que ça m'apporte, Descartes? Étiez-vous présent? Je crois que je l'étais. Il y a un pied, il y a un pied, il y a un pied dans l'escalier. Je suis juste là, le mouvement, la sensation, sentir le mouvement de mon corps et combien de parties de cette sensation, la sensation du corps qui bouge et de combien de parties du corps doivent bouger pour arriver en haut. J'utilise le muscle de ma cuisse ici, j'ai utilisé l'arrière de ma jambe. Et la présence de la nature, je n'étais pas sûr de la façon dont vous le disiez, je pensais que vous répétiez mentalement, ici un pas, ici un... Non, je n'étais pas dans le mental, j'étais dans le ressenti de chaque partie de ce qui était nécessaire pour m'amener en haut d'escalier. Oui, et maintenant l'esprit demande, et alors? C'est fait, quelle est l'idée? Et maintenant? L'esprit dit, ok, tu as été présent pour monter l'escalier, et maintenant quoi? En fait, il se dit, j'ai des choses plus importantes à penser. Oui, c'est ça, le mien disait, et maintenant? Maintenant, pour l'esprit, ce genre de choses n'a aucun intérêt, car vous invitez un état de conscience différent dans votre vie que l'esprit ne peut comprendre. Mais c'est comme ça que vous faites entrer la conscience. C'est la fin du vieux conditionnement. Oui. Et vous faites venir en vous une conscience totalement fraîche et nouvelle qui émerge du moment présent. Et plus vous amenez ces moments de présence dans votre vie, plus l'ancien conditionnement s'érode graduellement. Je vois. Et vous apprenez à le faire en vous lavant les mains. Des choses simples. C'est bien, ce cours est bon pour moi. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais je le comprends bien maintenant. Juste apprendre à faire les choses simples commence à recycler votre esprit. Oui, et une autre chose, c'est que les choses les plus simples que vous faites sont en réalité celles qui remplissent le quotidien de la plupart des gens, car la journée entière est constituée de choses simples que vous devez faire. Oui, elles sont relativement simples. Et la façon dont la plupart des gens vivent est que tout ce que vous faites est un moyen pour aller vers un but. Et le but, c'est là où vous voulez aller le moment suivant. Oui, alors vous n'êtes jamais dans le moment présent. Non, car vous voulez aller le moment suivant. Vous lavez vos mains dans le but de faire ceci ou cela, ou quand vous faites une tasse de café, vous voulez vraiment être en train de le boire. John Kabat-Zinn dit dans son livre « Venir à nos sens » que la plupart des gens, chaque matin, prennent une douche ou un bain, mais ils n'ont jamais l'expérience de la douche, car ils pensent qu'ils sont déjà au bureau. Oui, ils sont au bureau. Et tout ce que vous faites est en rapport avec un but, pour un but, une fin, et la fin est toujours le moment d'après, dans le futur, qui n'arrive jamais, car la seule chose que vous avez dans la vie est le moment présent. Donc vous êtes constamment frustré en train de créer de l'anxiété pour vous-même et du stress, car vous ne pouvez être présent maintenant. Et le pouvoir peut seulement s'écouler dans votre vie quand vous êtes présent, complètement, totalement, avec ce que vous faites maintenant. Et c'est pourquoi la plupart des gens n'ont pas ce pouvoir car ils sont toujours en train de vivre pour la chose suivante de telle façon que le moment présent perd sa valeur. Et c'est pourquoi monter l'escalier en étant avec les marches, vous enseigne comment être présent avec. Et ensuite, graduellement, vous pouvez être présent en étant avec d'autres êtres humains. Vous pouvez être totalement présent avec n'importe quel travail que vous faites, et si bien que le travail n'est plus uniquement un moyen pour aller vers une fin, mais vous êtes totalement là avec ce que vous faites. Bien, je vois Senda de l'Oregon qui attendait de nous parler. Hello Senda de l'Oregon. Quelle est votre question? Bonsoir Oprah, bonsoir Eckhart, hello. Hello, je suis si reconnaissante pour cette opportunité d'avoir Eckhart répondant à ma question. Merci de me faire participer à cela. Eckhart, j'ai besoin que vous sachiez que je suis reconnaissante que quand vous ayez essayé un acide, vous avez préféré l'élimination à ça, car mes enfants sont à l'étage occupés en train de vous écouter. Car vous disiez que vous ne le recommandiez pas. Non, je ne recommande pas. Pourquoi? Parce que vous allez toujours retomber. Vous allez toujours retomber dans le vieil état de conscience. Et je l'ai ressenti comme quelque chose de violent fait sur moi. Ok, je voulais dire ça pour les enfants à l'étage, Anna. Merci, Oprah. Ok, votre question. Tout d'abord, je veux dire à Eckhart que ces mots dans son livre m'ont profondément touché. Et je suis devenu une nouvelle personne grâce à eux, non seulement en raison de mes changements intérieurs, mais également dans la façon dont je suis dans le monde. Et je suis si reconnaissante pour cela. Merci, Eka. Je voudrais poser une question. C'est quelque chose dont nous avons déjà abordé ce soir, mais je trouve que c'est un sujet suffisamment important pour en reparler encore. Et je crois que la façon dont Eckhart répond à cette question pourrait être le catalyseur pour le changement dont nous avons besoin afin de sauver notre planète et nous-mêmes. En pages 20 et 21 dans le livre, vous expliquez que dans un monde ou un environnement toujours changeant, une espèce doit s'adapter pour ne pas disparaître. Et vous continuez, je vous cite, « L'humanité est face à un choix brutal, évoluer ou mourir. » Ma question pour vous est celle-là. Voulez-vous dire ça littéralement, et c'est ce qu'il semblerait, ou c'est métaphorique, ce que je préférerais? Évoluer ou mourir se réfère à l'humanité dans son ensemble. Si l'humanité survit en tant qu'espèce, aucun gain n'est jamais perdu dans la totalité de la conscience. Donc, le fait que... Le fait que nous sommes ici, et en tant que conscience, qui est vraiment tout ce qui existe, nous sommes seulement des formes qui émergent de la conscience. Et la conscience est le processus d'évolution de l'univers. Et nous sommes ici tous en tant que partie de cette évolution de la conscience qui s'exprime sous la forme humaine. La conscience peut utiliser et utilise des millions et des millions d'autres formes et venant du non-manifesté évolue à travers ça. Dans le non-manifesté, la conscience est déjà parfaite. Ou Dieu, vous pourriez dire, sentence, parfaite, éternelle, non changeante. Et ensuite, vous avez cette soi-disant dimension manifestée que d'anciens enseignants spirituels ont décrit comme une sorte de rêve, et c'est ce dont il s'agit. Mais pour quelque raison, la conscience veut venir dans le monde de la forme, et dans ce monde de la forme, elle évolue. Donc, on pourrait dire que graduellement, de plus en plus, Dieu, qui est un autre mot pour la conscience, Dieu arrive dans ce monde et une forme émerge graduellement. Dieu arrive ici, Dieu arrive à travers moi, Dieu arrive à travers vous, graduellement, de plus en plus. La densité de la forme diminue. Et c'est ce qui arrive. Donc, même si l'humanité n'y arrive pas, le gain de conscience qui a déjà été atteint par ces êtres humains qui sont devenus conscients ne peut être perdu. Et la conscience peut s'exprimer bien plus, au moins dans certaines autres formes, car ultimement, nous ne sommes pas la forme, nous ne sommes pas le corps que nous voyons. Vous n'êtes pas la forme qui est assise là. En essence, au-delà des formes, vous êtes la conscience elle-même. Vous êtes le silence. qui temporairement assume cette forme particulière. Et bien sûr, cette forme est finalement amenée à se dissoudre de toute façon. C'est une métamorphose continuelle, un processus merveilleux. Donc il n'y a rien qui puisse être effrayant, car ultimement, quand je dis évoluer ou mourir, je ne parle simplement que de l'humanité en tant qu'espèce. Mais ultimement, rien ne meurt. C'est seulement une transformation de la conscience, une transformation de la forme, une transformation de la forme. Donc ultimement, il n'y a pas de mort. Mais quand vous parlez quand même de la fin de l'espèce humaine telle que nous la connaissons, oui, c'est une possibilité, mais le fait que nous sommes ici ce soir devrait nous donner espoir et confiance que l'humanité y arrivera. Car cela est en train de grandir, et pas seulement cet enseignement, les autres enseignements spirituels. Il y a un éveil énorme en ce moment sur la planète. Donc, personne ne sait, je ne sais pas si l'humanité y arrivera ou non, mais je me sens confiant, peut-être plus que jamais auparavant, que nous y arriverons. Oui. Car c'est une de mes citations favorites également, Sanda, et nous sommes une portion significative de l'humanité qui va bientôt reconnaître, si ce n'est déjà fait, que l'humanité est vraiment face à ce choix brutal, évoluer ou mourir. Merci d'avoir posé cette question si joliment, Sanda. Merci Oprah, merci Eka, merci de nous rejoindre. Cassé à Asheville, en Caroline du Nord, et sur Skype, et il y a une question pour Eka à propos du secret. Cassé. Hello Oprah, Echo, Monsieur Tollé, je me suis demander si je devais lire ce livre, car il me paraissait très profond. Et j'ai un bébé d'un an dont je m'occupe toute la journée, donc je ne savais pas si j'étais prête. Mais quand j'ai vu votre émission, Oprah, sur le film Le Secret et l'homme à bulles et toutes ces bonnes choses, je me suis dit que je devais lire ce livre car vous en aviez parlé dans cette émission. Donc ma question est la suivante. Quand je m'adresse à l'univers, quand je demande à Dieu pour des choses, pour l'espoir et les rêves et les choses matérielles, et souvent je les reçois, ces choses matérielles, mais je pense qu'elles peuvent venir de l'ego. Et je me demande, Monsieur Tollé, est-ce mauvais? Ok, ce n'est pas mauvais. Vous pouvez facilement reconnaître que quelque chose vient de l'ego, car quand vous le recevez, il ne vous satisfait pas. C'est toujours un signe que ça vient de l'ego. Cela peut vous satisfaire pendant un petit temps, et puis, oh, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de quelque chose d'autre. Donc ça, c'est un bon processus d'apprentissage. Vous pouvez manifester des choses, et si vous voyez que ce n'est pas satisfaisant, c'est que ça devait être l'ego. Donc il n'y a rien de mauvais à manifester des choses. La seule illusion serait de s'attendre à ce que des choses apportent quelque satisfaction ultime dans votre vie. Des choses ne peuvent faire cela. Le monde de la forme ne peut ultimement vous satisfaire. Vous pouvez jouir du monde de la forme, mais la vraie satisfaction ne vient pas de là. Le monde ne peut faire cela. Le monde ne peut vous rendre heureux. Les choses ne peuvent vous apporter le bonheur. Oui. Car le bonheur vient d'un endroit plus profond en vous auquel vous n'accédez que dans le moment présent. Donc, c'est ok. Nous vivons dans le monde des choses. Pourquoi ne pas manifester des choses qui font partie de ce jeu? Dans cette vie, le jeu des formes. Mais si vous vous attendez à une quelconque satisfaction, vous serez toujours frustré. Et je pense que nous en parlerons beaucoup dans le chapitre 3 et le chapitre 2. Oh, j'ai aimé le chapitre 2. Vous avez aimé le chapitre 2? Trop bien. Ne pas vous autoriser à être défini par les choses. Ne pas vous autoriser à être défini par les choses. Être dans le monde, mais non du monde, est la façon dont je le décris. Avoir des choses, j'ai beaucoup de belles choses, et j'aime les belles choses. Et plus tard, dans un des chapitres, il en parle. Quand vous dites que vous n'êtes pas défini par les choses, et de que se passe-t-il si vous deviez perdre ces choses? La profondeur de votre chagrin, ou soi-disant souffrance, détermine à quel point vous étiez attaché à ces choses. Oui, et pour beaucoup de gens, vous pouvez dire, ça n'avait aucune importance pour moi jusqu'à ce qu'on vous vole votre voiture. C'est ça. Pour beaucoup de gens, c'est une leçon très importante. Quand ils perdent quelque chose, ça peut être une formidable leçon spirituelle. Peut-être que vous auriez souffert et ensuite, votre attachement se brise et soudainement, vous allez au-delà de votre attachement. Il y a eu des choses Il y a eu des gens qui ont tout perdu et soudainement se sont libérés de l'ego car celui-ci n'a plus rien à quoi s'identifier. Donc cela peut arriver. Et une autre chose très importante à mentionner en rapport avec la manifestation, c'est que la base de votre vie est le moment présent. Avant tout, vous avez besoin de voir que la base de tout est d'arriver à l'acceptation du moment présent tel qu'il est. La gratitude fait partie de cela. Bien sûr, nous en reparlerons plus tard, plus en détail, dans le fait qu'il y ait finalement un besoin pour manifester les choses que vous désirez. C'est ce besoin qui crée le mécontentement. S'il y a du mécontentement, ce n'est pas un bon endroit, un bon point de départ pour changer votre vie. L'ego pourrait vous faire croire le contraire, mais c'est faux. Vous avez besoin de trouver un espace d'acceptation en vous. Oh, c'est puissant. Peu importe où vous vous trouvez, acceptez et devenez ami avec le moment présent. Car si vous ne devenez pas ami avec le moment présent, vous n'êtes pas ami avec la vie. Car la vie est seulement maintenant. Si vous n'êtes pas ami avec la vie, vous n'avez pas son support. Mais vous ne venez pas de dire que de se trouver dans un espace de mécontentement, être mécontent n'est pas bon pour changer. Avant tout, vous pouvez voir la totalité de la situation. Disons par exemple, j'ai utilisé un exemple dans le pouvoir du moment présent, vous êtes prisonnier dans la boue. Vous marchez quelque part et soudainement vous vous enfoncez dans la boue jusqu'au genou. Vous ne diriez pas « Ok, je suis satisfait avec cette situation ». Vous ne pouvez être satisfait avec cette situation et vous savez que vous devez en sortir. Mais vous dites « Ok, je suis collé dans la boue et j'ai besoin d'en sortir ». Il n'y a pas… Vous ne maudissez pas la boue, pas de réaction négative. Condamnez cette boue. Oui, vous ne luttez pas contre, car sinon, vous vous enfoncez davantage. Vous allez vous embourber davantage. Oui, c'est très important. Et c'est peut-être un élément clé dans tout enseignement spirituel. C'est la question que vous devez vous poser aussi souvent que possible. Vous pouvez même l'écrire sur le miroir de votre salle de bain ou ailleurs. La question est, quelle est ma relation actuelle avec le moment présent, afin de devenir très conscient de cela et de découvrir qu'alors vous devenez alerte. Quelle est ma relation avec ce moment? Y a-t-il de la négativité, auquel cas je suis en train de combattre? Je fais du moment présent un ennemi. Ce que vous dites, c'est que ce à quoi vous résistez persiste. Oui. Donc vous devez faire la paix avec le moment présent. Et cela ne veut pas dire que vous devez approuver la situation, mais vous devez faire la paix avec le moment présent afin de vous en dégager. Car résister, c'est simplement le renforcer. Oui, et c'est absolument vital. Donc, relaxez-vous par rapport à ce qui est. L'aisance de ce moment se trouve déjà quelque part dans le fait qu'il est de toute façon tel qu'il est. L'ego ne comprend pas cela, mais vous ne pouvez de toute façon discuter ce qui est, car cela l'est déjà. Vous devez donc accepter ce qui est d'abord avant de commencer à changer, ce que vous dites. Il faut d'abord y avoir acceptation. Acceptation, ce qui est d'abord, et ensuite une action qui vient de l'acceptation. Et qui ne vient plus de la résistance. Et une énergie totalement différente s'écoule alors de ce que vous faites, quand cela vient de l'acceptation de ce qui est. Et l'action se remplit en fait du pouvoir même de la vie. Je crois que ça répond à votre question, Kazé. Je pense aussi, merci beaucoup, c'était étonnant. Merci beaucoup. Je voulais juste revenir au thème de la spiritualité, de la religion, pour quelques instants, dans les quelques instants qui restent. Car je sais que c'est un sujet si important pour beaucoup d'entre vous. Et vous dites en page 17 que plus vous assignez vos pensées et croyances à votre identité, plus vous vous coupez de votre dimension spirituelle intérieure. Et en page 18 que le degré de spiritualité n'a rien à voir, mais tout à voir avec votre état de conscience. Oui, votre degré de spiritualité se lie dans votre degré de présence à ce moment. Êtes-vous plutôt dans vos pensées ou êtes-vous là dans la conscience derrière les pensées qui est votre esprit? Oui, le silence, l'immobilité. Donc, souvent, dans les journaux et les médias, on me demande toujours à quoi croyez-vous? Ce n'est pas une question importante, ce que je crois. La question importante est, êtes-vous présent à ce moment? Non, quelle est votre structure de croyance? Je pense que les gens veulent savoir quelles sont vos croyances afin de pouvoir les étiqueter et décider s'ils vont vous accepter ou non. Oui, ils veulent savoir, croyez-vous à la même chose que moi, car sinon vous êtes mon ennemi. Et ça vous fait rire, ok. Bien, c'est fou, mieux vaut rire de la folie. Oui. Je voulais juste mentionner cette personne, Maria de Doha au Qatar. Quel pays ? Qatar. Ok. Elle dit, est-ce que vous pensez que les gens sont désireux et prêts de consacrer le temps nécessaire pour aller vers l'intérieur chaque jour ? Est-ce que c'est possible au niveau planétaire ? Est-ce qu'une personne qui pense que la vie est belle sera désireuse de perdre son temps à s'asseoir juste pour élever son niveau de conscience ? Eh bien, je changerai légèrement la question afin de la rendre plus essentielle et plus appropriée. Simplement demander, suis-je prêt ? La seule question à laquelle vous avez besoin vraiment de répondre est, suis-je prêt pour faire cela ? Vous n'avez pas besoin de savoir si les autres sont prêts à le faire. Seulement vous pouvez avoir la réponse pour vous-même. Suis-je prêt à être immobile ? Très bien, Mr. Kader, suis-je prêt ? Vous voyez, c'est une question essentielle. Il n'y a que vous qui puissiez répondre. Je ne peux répondre à cela. Je ne peux répondre à cela. Êtes-vous prête ou êtes-vous si fasciné par les choses de ce monde et votre esprit que vous avez peut-être besoin de poursuivre ces choses encore quelques années jusqu'à ce que vous souffriez un peu plus, jusqu'à ce que vous soyez prêt. Bien oui, quand nous faisions une répétition pour l'émission hier, nous étions connectés à Skype et quelqu'un a dit, j'ai 28 ans et je ne pense pas avoir besoin d'être éveillé. Donc qu'est-ce que ce livre peut m'apporter ? Continuez, ne perdez pas votre temps, allez lire un autre livre. Oui, ce n'est, si vous ne pensez pas ne pas avoir besoin de vous réveiller, alors non, c'est vrai, donc ce n'est pas le moment pour tout le monde et c'est aussi bien. Et à propos des gens qui ont des difficultés, particulièrement avec ce premier chapitre du livre. Le premier chapitre est un peu plus conceptuel que les autres chapitres et moins utile d'un point de vue pratique. Je voulais donner un contexte général par rapport à comment cadre le livre dans le contexte général de la spiritualité sur la planète ou de la transformation générale de la conscience sur Terre. Donc ne vous y attardez pas. Il y a déjà de très importantes indications dans le premier chapitre, si vous pouvez les voir. Nous allons parcourir tout le livre, la présence, etc. Donc continuez sans vous arrêter juste au premier chapitre. Ne vous attendez pas à comprendre de toute façon des choses qui ne sont pas nécessaires dans le livre. En outre, comprendre le livre n'est pas la chose la plus essentielle, c'est secondaire. La première chose est d'expérimenter la vérité contenue en lui plutôt que la compréhension intellectuelle, conceptuelle. L'essence de ce qui est dans le livre ne peut de toute façon être comprise de façon conceptuelle. Par exemple, la présence. Certains demandent, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est la présence ? J'ai déjà donné quelques indications. Aller au-delà de cela et d'une quelconque définition. Vous ne pouvez savoir ce qu'est la présence qu'en étant présent. Vous devez avoir au moins un aperçu de la présence. Et pourquoi ? C'est le fait de ne pas comprendre qui en est l'essence. Donc, quand vous ne comprenez pas, simplement continuez. C'est principalement un processus. Ce livre, lire ce livre est un processus. Et ce livre, comme vous dites encore, et comme j'ai dit au début, il n'est pas en rapport avec le fait de créer plus d'informations auxquelles vous devriez croire. Et vous ne voulez pas être le gourou de quiconque. Non, non. Donc c'est seulement pas vraiment avec votre esprit que vous pouvez le recevoir. Quiconque trouve du sens à ce livre, et c'est la chose la plus importante, est déjà en train de s'éveiller. Si vous n'êtes pas déjà en train de vous éveiller, ce livre n'aura aucun intérêt, pas plus que n'importe quel autre vrai livre spirituel. Vous ne comprendrez rien, vous direz, il n'y a pas grand-chose là-dedans, ça n'a pas de sens pour moi. Si cela a du sens pour vous, particulièrement si vous sentez quelque chose qui répond en vous, que vous dites, oh, regarde. Et je crois aussi pour vous, tous ceux qui se sont joints à nous, beaucoup expriment l'éveil. Ils se sentent plus vivants et excités, et ensuite vous voulez le partager avec quelqu'un qui peut-être ne l'a pas encore lu, et qui ne ressent pas la même chose, et qui alors se sent frustré. Oui, j'imagine vous diriez la même chose que la femme de Qatar. Occupez-vous de vous-même. Oui, occupez-vous de vous-même. C'est ça. Et si les amis ou les parents disent que cela n'a aucun sens, pour eux c'est ok. Peut-être dans quelques années seront-ils prêts, on ne sait pas. Donc il s'agit d'accepter que ce n'est pas encore pour tout le monde. Commencez par accepter. Accepter, ne demandez pas ou n'en faites pas une idéologie pour ensuite aller essayer de convaincre les autres qui doivent être présents. Bien. Avant de dire au revoir, je veux vous remercier, vous tous, d'avoir été présents avec moi. C'est juste la chose la plus excitante que je n'ai jamais fait, pouvoir parler avec vous tous et partager ce genre d'informations qui nous permet à tous de se rapprocher de ce que nous sommes vraiment, de telle façon que nous puissions honorer notre raison d'être ici pendant que nous sommes sur Terre. Nous serons là lundi prochain, de nouveau à 20h, si vous voulez expérimenter ce premier cours ou encore parler à des amis qui l'ont manqué, vous pouvez la revoir. Elle sera disponible dès demain gratuitement sur Oprah.com. Vous pourrez également mettre à jour votre cahier de devoirs et commencer le chapitre 2. Et si vous voulez télécharger le podcast de ce cours, vous pouvez aussi le faire sur Oprah.com et iTunes. La semaine prochaine, nous partirons de l'aspect conceptuel du chapitre 1 vers les bonnes choses. Oui, on continue. La semaine prochaine, nous parlerons de l'ego. Wow! Nous nous reverrons lundi prochain. Merci Eckhart, merci, merci, et merci beaucoup à vous tous autour du monde. Bonne nuit.